485 millions, plus 709 millions, plus 995 millions, plus 3 millions. Qu'est-ce que ces trois petits millions, hein? Hein? C'est des francs suisses. Plus un train. Bonjour, monsieur le directeur. Je m'excuse de venir vous déranger dans votre joli bureau tout en acajou. J'allais presque poser mes chaussures pour pas abîmer la moquette verte. Je n'ai pas trouvé, parce que là, il y a ma femme qui m'a dit qu'il valait mieux s'adresser à ces cinq au bon Dieu. Alors c'est pour ça que je suis venu, pour ça que je gagnerais 29 000 francs par mois, puis j'ai 10 000 francs d'hôtel. Alors c'est pour ça. Écoutez, j'ai absolument rien compris à ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous voulez, voilà, monsieur le directeur? Je m'excuse de vous demander pardon. J'étais venu vous dire que je travaille chez vous depuis déjà pas mal d'années. Et puis que je gagne toujours 29 000 francs par mois. Et puis, j'ai 10 000 francs d'hôtel. Alors, avec ce qui reste, forcément, j'y arrive, oui, mais alors, faut tirer, quoi. Alors, c'est pour ça que je suis venu vous trouver. Bravo. Il y a des employés qui parlent entre eux, qui vont trouver leur contremaître. Et vous, vous venez trouver directement le grand patron. Bravo! Eh bien, je vais faire quelque chose pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? T'es venu vous dire, monsieur le directeur, monsieur le patron, que je gagnais 29 000 francs par mois. Puis 10 000 francs, non, ah, bien sûr. 29 000 francs par mois, 10 000 francs d'hôtel. Vous me diriez que vous y arrivez, que je vous croirais pas. Oh. Ça fait plaisir, vous voyez, que vous me compreniez. Vous voyez, vous avez beau rouler avec vos millions, là, quand on vous voit passer le matin dans votre brise-l'air, là. D'enfant, vous êtes un homme sensible, comme les autres, pas vrai? Mais bien sûr. Et voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais voilà, pardon. Téléphone. Allô? Dans Rio de Janeiro. Hein? Adressez-vous à mon premier secrétaire. Il est occupé? Et le deuxième? Il n'est pas là? Ah, bon, passez-le-moi. Allô? Youssef, comment allez-vous? Tiens, qu'est-ce que vous faites en Amérique du Sud? Comment ça? Vous voulez annuler les postes de radio français? Vous préférez acheter les postes allemands? La qualité est meilleure. Bon, enfin, vous savez quand même que la présentation française est plus élégante et pour la vente, c'est ce qui compte. Ah! Vous annulez quand même? Ben dites donc, ça chiffre quand même à 600 millions, cette histoire-là. Ah, c'est irrémédiable, vous annulez. Une seconde, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pourrais faire? Allô? Allô, vous savez que je suis associé avec Angoy d'Amérique du Sud. Oui. Et je crois que votre société a versé 350 millions d'ars pour le guano. Et si vous ne prenez pas nos postes, vous seriez susceptible de perdre César. Vous allez réfléchir. Alors, je crois quand même qu'on peut vous expédier pour 600 millions de postes. C'est ça? Très bien. Au revoir. Mes hommages à madame. 708 millions. Plus 400. Qu'est-ce que vous voulez, vous, là? Fais-moi. J'étais venu vous dire que je gagnais 29 millions par mois. 29 000 francs par mois. Puis je payais 10 millions, 10 000 francs d'hôtel par mois. Alors, ah, bien sûr. 29 000 francs par mois, 10 000 francs d'hôtel. Je vais en parler à mes secrétaires, vous en faites pas, va. Venez me trouver vendredi et d'ici là, je vous aurai trouvé un hôtel moins cher.